saviez pas assez, vous voulez tout contrôler, dominer, toujours être premier, jamais dernier, un seul mot aux lèvres, sans cesse amasser, en niant les lois que vous avez instaurées, à travers le monde, sur tous les marchés, aucun remords quand vous manipulez, pour justifier vos terribles méfaits. J'prends un pain de bouche, à l'intérieur ça blaire, la crapuleuse odeur du mensonge, j'ose espérer la faire oublier. J'prends un bain de bouche, à l'intérieur ça blaire, la crapuleuse odeur du mensonge, j'ose espérer la faire oublier. Trop aimable de sauver le genre humain d'un didacte sans pitié, vouloir établir un climat de paix à l'aide de vos virulentes armées au nom d'une démocratie mystifiée pour faire fi d'un souci d'égalité. Et vous croyez qu'on va tout avaler, mais on sait que c'est sous terre que sont vos intérêts. Appelez les sous-développés que vous polluez en y installant vos grosses sociétés, prenant vos idées capitalisées, marre de travailler pour vos riches banquiers, stop ou on fait péter un crack boursier. J'prends un bain de douche, à l'intérieur ça blaire, la crapuleuse odeur du mensonge, j'ose espérer la faire oublier. J'prends un bain de bouche, à l'intérieur ça blaire, la crapuleuse odeur du mensonge, j'ose espérer la faire oublier.